week-end, ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, j'ai failli mourir deux fois. La première fois, tu as failli tirer sur moi. Tu chassais les oiseaux tout près du grand boulot. Ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, j'ai failli mourir deux fois. La seconde fois, je t'ai appelé en te disant que je voulais plus de toi. Et t'es parti en ronchonnant. Ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, j'ai failli mourir. Ce week-end, j'ai failli mourir deux fois.